sourire, son visage déclare son corps. Et puis je l'aime, j'y habite au monde écho. J'aurais tant à lui dire si j'avais su pâlir. Comment nous faire lurer au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout est rose? Et on me dit mes fautes, mais qui me rehaussent. Mon cœur fait mal au nez, mon cœur est tout mon temps. Mais j'ai pas tout donné, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, s'il a changé les choses un peu, oui, qu'on a m'étonné. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais des moments. Mon il est sous le vent. Les portes et la sont entre les grimes et infamant. Dange d'aller fondre sous le balcon des fleurs. Ma vie passée bougeant ton battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage et malheur. Que l'âme réponde aux paix de nos suffisait qu'on s'aimait, s'il suffisait d'aimer, s'il a changé les choses en paix, oui, crée à m'étonner. S'il suffisait qu'on s'aimait, s'il suffisait d'aimer, je ferai de ce monde une rêve, une éternité. S'il en pouvait changer les choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, faire l'homme de ce rêve de monde. S'il suffisait d'aimer.